Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes chez Tranche d'un art, une émission anarchiste sur Radio Air Libre. Comme tous les mercredis d'ailleurs, à partir de 20h30. Et depuis deux semaines, nous sommes aussi rediffusés le vendredi à 21h, notre ancien créneau. Ce soir, une émission plus courte, une heure environ, une équipe réduite, c'est-à-dire moi, enrhumée, et un studio qui boite. Mais il faut la faire, cette émission. Dimanche passé, le 23 septembre, nous étions à la manifestation devant le centre fermé 127 bis à Steno-Creusel dans le cadre des commémorations de Samira Adamo. Donc je vais passer une sorte de compte-rendu sonore de cette manifestation. Les prises de son ont été réalisées par Lydia de Radio Panique et notre propre Gwendoline de Tranche d'un art. Il y aura des ambiances sonores, des discours, des témoignages, la samba et tutti quanti. Mais je vais commencer par la fin. En rentrant à Bruxelles, dans le bus avec les sans-papiers, nous étions assises derrière un groupe d'Afghans qui jouaient de la musique sur leur smartphone. Une des chansons me renvoyait droit aux fins des années 80 à Bruges, où je fréquentais un ami afghan, réfugié, qui m'a fait connaître cet artiste que j'apprécie beaucoup. Nusrat Fateh Ali Khan, le grand chanteur de la musique soufie du Pakistan. Je vais vous faire écouter juste un morceau d'un morceau qui est bien trop long pour ce soir. La chanson se marie très bien avec un bon hashish népalais bien noir, je vous l'assure. Et puis on passera directement au son de la manifestation. Bonne écoute et à tout à l'heure. Tere hi naam se har ibtida hai, tere hi naam tak har intiha hai, teri hamd o sana alhamdulillah ke tu mere muhammad ka khuda hai. Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu ye zameen jab na thi ye jahan jab na tha ye zameen jab na thi ye jahan jab na tha chaand suraj na the aasman jab na tha chaand suraj na the aasman jab na tha ye raaze haq bhi kisi par aaya jab na tha raaze haq bhi kisi par aaya jab na tha tab na tha तब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह तब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाह अल्लाह अल्लाह

Et d'autant plus que là, ils vont vraiment former des familles, ça c'est pas acceptable. Mais puis ça, toi, pas acceptable. Viens ici comme ça. Le groupe Charleroi, est-ce qu'il y a un groupe qui se mobilise? Oui, on a un groupe, ça, c'est Charleroi Migrant. Donc, on a créé ça. Ça va faire. Il y a des échos, les gens. Ah, oui, on écoute. Oui, c'est des citoyens. Hein. Des citoyens qui sont ensemble. On essaie de se mobiliser. Ok, super. Voilà. Moi, je fais partie d'un groupe de citoyens ensemble à Piedmontois, mais ici, à Charleroi, on va ouvrir quelque chose et que je suis pas encore. Voilà, je vais un peu pour Charleroi. Ah, c'est bon, aussi. Oui, ok. Ah, bon, alors, attends. Allez, je vais essayer de distribuer ça un peu. Oui, prends la parole. Ah, moi, c'est difficile avec ça. Quelqu'un d'autre. J'ai toujours un peu pas, mais il n'y a que moi. Ah, il n'y a que toi. Okay. Ils vont l'annoncer, j'ai entendu. Allez. C'est un radio libre, hein. C'est pas la radio libre. Mais attends, je réfléchis. Pour une manifestation. Oui. Pour libérer les gens des centres fermés. Vous avez reçu l'appel comment? C'est qui vous a mobilisé? C'est Madame France. Madame France. Bonsoir. Ouais. Vous faites aussi les manifs de temps en temps à Ariège? Oui, oui. Question, je vous réponds. Oui. Vous êtes venu, vous habitez à Liège, je vois. Vous êtes oui. Venu à Liège. Oui. Et vous êtes venu avec la famille ça? Oui, non, pas presque toute la famille. Nous, on a un frère qui est resté là-bas et une sœur qui est restée là-bas. Et eux, il y a une sœur qui est restée là-bas et un frère qui est resté là-bas, la même chose que nous. Vous êtes plusieurs familles. Vous faites partie de plusieurs familles. Ouais. Et donc vous êtes venu ici pour... Vous êtes déjà venu ici avant? Oui, non. Moi je suis déjà venu. Oui. Maintenant, oui. Nous. Moi je suis déjà venu. Ah oui, nous aussi, nous aussi on est déjà venu ici. Ah, c'était la Sten Rock, c'est le festival. C'est plus beau à ce moment-là. Ouais. Allez, bien merci. Bonne continuation. Tenez-vous bien chaud. Les gendarmes lui ont enfin... laisser le coussin jusqu'à sa mort. Il y a 20 ans de ça, 20 ans après, une petite Maouda a été tuée par les balles d'un policier. En 20 ans, la politique dite migratoire de notre pays et de toute l'Europe s'est envenimée, c'est devenu une horreur. Tout le monde l'accepte, il y a une banalisation. Pour casser cette banalisation, pour que les gouvernants sachent qu'on n'est pas d'accord, il ne faut pas croire que tout le monde est d'accord. La presse relaie souvent qu'il n'y a pas de problème, que ceci, que cela. Nous sommes ici aujourd'hui pour bien montrer que nous sommes nombreux. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir parce qu'ils ont des enfants et vu les conditions climatiques n'ont pas pu venir. Il y a des gens qui n'osent pas venir, il y a des gens qui sont trop traumatisés pour venir, mais nous sommes ici nombreux pour dire non. Nous disons non, non, non, parce que ces centres, en fait, ce sont des prisons. On l'a dit, on le répète, ce sont de véritables prisons. Elles sont peut-être, c'est pire que des prisons en ce sens qu'on n'a pas accès. Ce sont des centres fermés dans un sens comme dans l'autre. On n'a pas accès, on n'a pas le droit de rentrer. Les quelques visiteurs qui y arrivent doivent laisser leurs affaires au vestiaire. On est dans des salles, on est écouté. C'est scandaleux. Au-delà de ça, du coup, on ne sait pas ce qui s'y passe. Or, il s'y passe des horreurs, il s'y passe des tortures. Je pèse mes mots, je pèse mes mots. En plus de ça, lors des expulsions, il se passe des tortures et je pèse de nouveau mes mots. Nous rencontrons des gens, les quelques fois où ils ont la possibilité de ne pas être renvoyés et donc de pouvoir témoigner, avec des traces, avec des traumatismes, avec des traces physiques, et tout ça dans un silence, c'est occulté. Ils se retrouvent tout nus dans les locaux de Zaventem en attendant des vols qui parfois n'ont pas lieu. Ils attendent 9 heures à être sans eau, sans boire, avec les policiers autour d'eux. Et puis ils sont remballés dans les centres. Je pourrais vous raconter ceux que ça intéresse, on peut vous raconter plein de choses. C'est absolument horrible. Le fait même d'enfermer des gens est inacceptable. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire non, stop au centre fermé. Expulser des gens, c'est inacceptable. Stop, stop, stop. Donc j'espère que chacun ici peut transmettre cette information et que nous soyons toujours aussi nombreux quand nous venons, que nous soyons déterminés à refuser absolument ce qu'on veut faire de nous, ce qu'on veut nous faire endosser, ce qu'on nous fait croire. Il est temps que ça s'arrête. Voilà. Est-ce qu'on m'entend encore ? Oui. Juste pour information aussi, donc dans le cadre de tous les événements que nous avons organisés autour de la commémoration de Semira Adamou, lundi, pour ceux qui habitent Bruxelles, à l'espace citoyen qui est rue de la Grande Île, près des Halles Saint-Géry, nous tenons mercredi 26, 19h, une soirée d'information. Et toutes les personnes qui se sentent motivées, qui se disent « mais qu'est-ce que je peux faire ?» ils sont vraiment chaleureusement les bienvenus. Voilà. Pas beaucoup de voix, donc voilà, moi je vais vous dire quelques mots au nom du CRACP, collectif de résistance au centre pour étrangers de Liège, et comité de soutien au sans-papiers de Liège. Je ne saurais pas. Je crois que, bon, Ginou vient bien vous expliquer ce que sont les centres fermés et les expulsions, leur violence. Ça fait 20 ans de violence, 20 ans d'expulsion, et c'est pas du tout en train de s'arrêter. Je voudrais quand même souligner qu'il y a prévu la construction de 3 nouveaux centres fermés à Holzbeek près de Louvain, à Zandvoort près d'Anvers et à Jumet, et qu'il y a aussi maintenant le projet tout à fait, je sais pas comment dire, à tomber par terre, d'ouvrir un espèce de bateau ponton pour enfermer les transmigrants. Franken va plus loin que personne n'est jamais allé. Avec l'enfermement des enfants, avec la traque à tous les sympathies, quels qu'ils soient, quelle que soit leur situation, qu'ils soient en train de se marier, d'avoir des enfants, on parle même de bébés papiers. Donc je crois qu'il faut vraiment s'opposer un maximum à cette politique. Je voudrais bien vous rappeler, avant toute chose, avant qu'on oublie, que dimanche prochain, il y a une manifestation à Jumet contre l'ouverture du nouveau centre fermé, et ça c'est très important d'y être aussi. Et puis alors je voudrais surtout, et c'est vraiment pour moi fondamental, saluer ici la présence des sans-papiers eux-mêmes. Donc la voix des sans-papiers de Liège est là, avec des femmes et des enfants. Les différents collectifs de Bruxelles, la plateforme des sans-papiers de Bruxelles est là aussi. Et je crois qu'il faut vraiment souligner leur présence, malgré la répression qui s'abat sans cesse sur les militants de ces collectifs. Liberté, solidarité, liberté, solidarité, liberté, solidarité, liberté, solidarité, liberté, solidarité, liberté, solidarité, liberté, solidarité, liberté, solidarité. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Go, go. Elle est là? Go, go. Oui, elle est là. Elle était proche. Ah, ici, tout à l'heure, la marche. En... Oh, pas, rien n'a changé, oh yeah. En tout cas, rien n'a changé, oh yeah. On va bouger, bouger, à bouger, à bouger, à bouger. On va bouger, bouger, bouger, à bouger, à bouger, bouger, bouger. Bouger, bouger. J'ai voulu battre qui belle pour oh, de là-haut, yeah. On va bouger, bouger. Abba, bouger. On va bouger, bouger. Soula, abba, soula, abba, on y va. On a tout fait, on a parlé, oh yeah. On a tout fait, on a crié, oh yeah. Mais vraiment rien n'a changé, oh yeah. En tout cas, rien n'a changé, oh yeah. Les amis, faut qu'on se dise la vérité. Chez nous, Abidjan, quand c'est comme ça, y'a pas de drague. C'est Kouma Molo Molo là qui peut tout arranger, oh. La vie est trop belle, mon ami, faut en profiter, oh. Dans la vie, quand j'ai garçon, faut nyanga, oh. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours y'a espoir. Si y'a espoir, tu dois bouger, oh yeah. On va crier ensemble. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, oh, on dit toujours y'a espoir. Mon ami, si tu veux pas danser, quitte là, on va danser. Il faut bouger, le gars. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours y'a espoir. Bouger. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours y'a espoir. Bouger. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit bouger. Toujours y'a espoir. Mais bouger. Tu fais quoi là? Toi, mon ami, tu dois bouger, oh yeah. Ça, c'est l'ambiance à la manière Magic System, Core Scalp. Ah ouais, il faut danser, mon gars. Faut pas faire timide comme ça, hein. Faut bouger, bouger, bouger, bouger. On va bouger, bouger. Voilà, la maladie du bouger, bouger, on s'assoit pas. Stop deportation! Thank you. Alors, ce que je vois autour de moi, ce sont des gens qui se mobilisent. On a peut-être tous des raisons différentes. Je peux peut-être vous parler des raisons, à défaut de connaître les raisons des autres, je peux peut-être vous parler de mes raisons. Voilà. Alors, ça fait plusieurs mois maintenant que, comme beaucoup ici, nous hébergeons. Et nous avons, enfin, nous prenons chaque jour davantage conscience de l'impasse dans laquelle on met des gens qui, voilà, qui ont le droit de vivre comme n'importe qui ne sont pas responsables de méfaits, du moins pas chez nous, pas à notre connaissance, et on les coince. Ce qui m'ulcère personnellement, c'est la politique de pourrissement, véritablement, à laquelle on assiste en ce moment. On a quelquefois vraiment l'impression, et ça je ne suis pas la seule à avoir cette impression, on a quelquefois l'impression que on attend l'incident qui fera mal de manière à augmenter le scrutin des partis qui pourraient en bénéficier. Derrière le voile d'extrême correction de certains discours politiques, mais se cache la plus grande des mascarades. Ceux qui hébergent savent. Alors je peux donner deux exemples que je connais. Le cas d'un Éthiopien à qui on a recommandé de demander l'asile. Quelque part, on a suivi les conseils de notre gouvernement. Ils n'ont qu'à demander l'asile, n'est-ce pas, hein? C'est une antienne, hein? Ils n'ont qu'à demander l'asile. Les transmigrants sont coupables, mais ceux qui demandent de l'asile, voilà, on mènera, on l'a entendu encore très récemment, on mènera une politique humaine et efficace à leur égard. Alors là, ce qu'on constate, nous, comme politique humaine efficace, c'est que cette personne se trouve depuis maintenant bientôt 8 mois en centre ouvert, de plus en plus délaissée. Au début, on y a cru. On a cru qu'il allait être encadré, qu'il aurait des cours, que tout ce rêve. Et puis petit à petit, ce dont on se rend compte, c'est qu'il n'y a rien de tout ça. Et qu'il ressent de plus en plus le délaissement, l'abandon, et qui commence, comme beaucoup d'autres, à se dire « je vais peut-être tenter ma chance en Grande-Bretagne ». Ici, cette nuit, on avait chez nous, je ne vais peut-être pas donner la nationalité pour éviter tout recoupement possible, mais cette jeune femme parle allemand. Alors on peut se demander comment ça se fait. Elle vient d'un pays africain où on n'enseigne pas l'allemand. Elle parle allemand parce qu'elle a passé 5 années en Allemagne, centre ouvert, centre fermé. Et c'est ce qui motive ma présence ici. Elle a appris l'allemand, elle a suivi des cours, elle a espéré. Ce soir, elle va retenter la Grande-Bretagne parce qu'après 5 années d'espoir, d'insertion, elle a reçu son fameux OQT, ordre de quitter le territoire. Que dire ? Que dire de plus ? Que dire de plus ? Il pousse les migrants d'aller quand même faire. Bien sûr. Donc ce que nous on constate, on a bien sûr qu'une vue très partielle. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on les place dans des cul-de-sac. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a rien en nous qui a envie d'être à leur place. C'est intolérable. C'est tout simplement intolérable. Comment faire semblant qu'on joue ? Enfin, c'est une mascarade. On en place beaucoup dans l'impossibilité de se construire un avenir. Ils sont jeunes. Et quelque part, on en voit l'un ou l'autre qui s'épuise, qui tombe dans le désespoir. Et c'est ce que nous redoutons quand on parle de politique de pourrissement, parce que je crois personnellement, je me sais faible, et donc j'en admire beaucoup de ne pas être tombée plus tôt dans des actes de délinquance. Parce que je crois qu'on les pousse, on peut les pousser très loin. Je crois qu'après ce qu'ils ont traversé, après avoir nourri de tels espoirs, tomber à nouveau face à de, enfin être confronté à de tels murs. Moi, je suis étonnée, comme d'autres hébergeurs, qu'il n'y ait pas plus de heurts. Et le jour où il y aura des heurts, ce ne sera pas à eux qu'incombera la responsabilité, mais bien à ceux qui nous dirigent, bien à ceux qui ne veulent pas voir. Je crois que quiconque serait confronté à cette situation, mais quiconque, serait mené au pire bien plus rapidement qu'eux. Quand je vois à quel point nous pouvons quelquefois nous mobiliser pour des causes sans importance, dérisoires, et monter au créneau alors que notre vie, notre avenir est somme toute bien peu en danger. Moi, je suis atterrée. Je suis vraiment atterrée. Voilà. Alors, voilà. Voilà. En fait, je vois des gens derrière des bars, derrière des fenêtres qui sont enfermés, qui ont de l'espoir pour sortir et qui sont hyper contents de nous voir, pour voir qu'il y a encore des gens qui que pas tout le monde est comme Théo Franken et qu'il y a des gens qui veulent bien leur aider et tout. Mais c'est triste qu'on ne sait pas aller là, ils sont 20 mètres de nous, mais on ne sait pas les toucher, on ne sait pas parler avec eux, on sait juste faire des gestes et crier et ça fait mal pour voir. Et on voit aussi, ils ont écrit merci, thank you et thank you, donc ils ont écrit en trois langues. Et puis il y a encore des gens qui osent dire qu'ils ne veulent pas s'intégrer, donc voilà. Alors on est devant le grillage du centre fermé à 127 bis, et à l'intérieur il y a des gens qui ils ont ouvert leurs fenêtres, ils ont des petites banderoles qui disent on vous aime, on vous respecte et merci d'être là. Et à l'extérieur, je pense que nous sommes quelques centaines de personnes qui crient et qui il y a du samba et des banderoles en solidarité avec les gens à l'intérieur. Et ouais, on chante No borders, no nations, stop deportations. Arrête avec les expulsions et solidarité avec les sans-papiers. Bonjour. Je vois ici des gens enfermés qui sont dans un endroit où ils ne devraient pas être. Et nous, on voudrait bien les libérer. Pose-moi des questions. À quoi ça ressemble aussi ? Ça ressemble à une prison, une prison. Une prison fermée. Qu'est-ce que tu vois ? Moi, je vois des gens qui sont là, qui aimeraient bien sortir, qui sont enfermés, qui sont torturés, qui sont mal logés. Et tu sais quoi ? Et nous, on aimerait bien les libérer, mais la police, là, ils nous bloquent. Et voilà. Et mon prénom, moi, c'est Hicham. Je suis un militant, je suis de gauche, non pas de droite. Et je crache sur Théo Franken. Feu. Entre-temps, au studio, me revoilà. Je fais doucement, puisque sinon je m'emmêle avec tous les boutons que je dois faire. Voilà, je suis tout seul là. Mais voilà. Après le rassemblement devant le centre, nous sommes redescendus au manif vers la gare de Nocegem, où étaient garés les bus et d'où repartaient plein de manifestants en train vers Bruxelles. Je marchais avec un groupe de sans-papiers qui était en train de blaguer, de chanter. Et à un moment, un jeune dit « Tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. » Voilà pourquoi j'ai mis « Bouger, bouger » de Magic System dans le montage. Le soir, le rendez-vous de Bruxellois, c'était au Cinéma Nova, pour une table d'hôte, des films, etc. Mais Gwenoline et moi avaient déjà acheté des tickets pour un cabaret en soutien du Magic Land Theatre, qui a perdu ses subsides. Et donc tout à fait autre chose. Pendant le cabaret, j'ai pu enrichir ma collection de références culturelles francophones. le genre d'évidence que je ne connais pas, mais que je collectionne. Je ne connaissais pas un des artistes qui montait sur scène de nom, ni la chanson. Non, je connaissais son nom, mais je ne connaissais pas la chanson. La salle, par contre, a explosé. Nous étions vraiment les flamouches de service. Écoutez seulement. Ville à la Costa del Sol, où il y a plus de Belges que d'Espagnols, où il y a plus de Léonidas et de Bata que de Gambas. On ira tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos. Même quand il pleut, c'est génial, on sait poster des cartes postales, ou boire un godet à l'amical, des amis du camping municipal. Avec Suner, c'est super, avec Ertour, c'est l'aller et le retour. Avec Neckermann, c'est génial, avec Nouvelle-Franchère, c'est pas cher. On ira tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos. Torre Molinos, c'est le paradis. Je crois bien que je vais mourir ici. Et quand je serai mort, je veux qu'on m'enterre à Torre Molinos, son cimetière. On ira tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos, tous, à Torre Molinos, tous. J'espère que vous avez survécu le choc. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien, après un après-midi, devant le centre fermé, de m'éclater un peu. Il faut dire que le public était absolument hyper enthousiaste. Voilà. Et voilà. Puis, je vous ai dit que je collectionne des références culturelles francophones. J'en ai découvert une autre, notamment... Après Stella, qui faisait la chanson à Torre Molinos, il y avait Zidani, qui apparemment fait une recherche sur Georgette Plana, une chanteuse française que je ne connaissais pas. Quand elle demandait à la salle « Est-ce que vous connaissez ce nom ?», il n'y avait pas trop de monde qui réagissait. Par contre, quand elle chantait un morceau d'une chanson, tout le monde savait directement de quoi il s'agissait. Donc, il s'agissait bel et bien d'une référence culturelle francophone et voilà, hop, dans la collection. Et avec cette chanson, je vais vous quitter. Donc ce sera l'Hirondelle du Faubourg. Ben, je vous souhaite encore une bonne soirée et à la semaine prochaine. À l'hôpital, c'est l'heure de la visite, le médecin en chef passe devant les lits, numéro 13, qu'est-ce qu'elle a cette petite? C'est la blessée qu'on amena cette nuit. N'ayez pas peur, faut que je sonde vos blessures. Deux coups de couteau, près du cœur, y a plus de sang. Non, pas perdu, à votre âge on est dur. Seulement tout de même, faut prévenir vos parents. Mais la mourante alors a répondu: